Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mjina Bwana Yesu Kristo. Comme David le disait. Mpaka vile Daudi alikuwa anasema, je suis dans la joie. Ya kwamba niko katika furaha. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Wakati ile wananiambia sema twende mu nyumba ya Yehova. Si une personne n'a plus la joie d'être dans la maison du Seigneur, kama mtu ana tena na furaha ya kupatikana mwepo wa Bwana, c'est un signe qu'il est habité par un mauvais esprit. Ni ala kwamba huyu mtu mapepo mchafu inamuikala. Et il n'a jamais expérimenté le salut. Na yevalo kuonja kamwe okovu. Et Dieu n'a jamais été son père. Na Mungu yevalo kuwaka baba yake. C'est pourquoi nous qui avons expérimenté Dieu, nous voulons être en sa présence à tout moment parce qu'il y a de la guérison dans sa présence. Il y a de la bénédiction. Et nous voulons profiter de cette bénédiction. Tunapenda kufaidia kui baraka. Pour être heureux pendant notre séjour terrestre. Ili tupate kwa baeri mumasiku yetu ya padunia. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 20. Tufungule mabitabu yetu mufunu sura yake ya makumi mbili. Je prends le verset 2. Tachugua mustari ya pili. Et le verset 3. Na mustari ya tatu. Seigneur, notre Dieu et notre Père. Bwana Mungu wetu na baba yetu. Nous approchons de ton trône de miséricorde. Tunakaribia kukiti yako ya enzi ya rehema. Dans l'humilité de nos sentiments. Katika unyenyekevu ndani ya mania yetu. Dans l'humilité de la profondeur de notre cœur. Katika unyenyekevu mupana wa mioyo yetu. Sachant que nous ne valons rien. Benye kujua sema hatuna na bei hata moja. Et nous ne connaissons rien. Na tena hatujue kitu. Devant nous, il y a ta parole sainte. Mbele yetu, tukona neno lako takatifu. Descends selon ta promesse. Ushuke kufuatana na malako yako. Ouvre-la pour nous. Na utufungulie yo. Pour que toutes les bénédictions rédemptrices. Juu ya mabaraka yote ya ukombozi. Que tu as caché dans les pages de la Bible. Ile urificha mbakartasi ya Biblia. Repose sur nous. Ipate kwa yulu yetu. Et dirige notre vie. Na, ipate kuongoza maisha yetu. Bénis chaque frère et chaque sœur. Ubariki kila ndugu na kila dada. Nous avons besoin de ta main dans nos vies. Tunahitaji mkono wako mu maisha yetu. Nous avons besoin de ton secours dans nos vies. Tunahitaji msaada yako mu maisha yetu. Et que ton bonheur conduise nos pensées. Na raha yako ipate kuongoza mawazo yetu. Merci Seigneur Jésus. Na asante Bwana Yesu. Du début à la fin de ce service. Mwanjo na mwisho ya hii ibada. Que ton nom soit honoré. Jina lako yeshimiwe. Au nom de Jésus Christ. Mu jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Apocalypse 20. Ufunuo sura yake ya makumi mbili. Vous même commencer au verset 1, il n'y a pas un problème. Tunaweza hata kuanzia mstari ya kwanza. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Nakisha nikaona toka mbingu malaika moja alikuwa na fungulo ya mushimo na mnyororo mkubwa mu mkono yake. Il saisit le dragon, akamushika ule joka, le serpent ancien, ule nyoka wa zamani, qui est le diable et Satan, mwenye kuitwa diabolo na shetani, et il est lié pour 1000 ans. Na akamufunga kwa ajili ya miaka elfu. Il le jeta dans l'abîme, akamutupa mushimo, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Akafunga na kuweka alama yulu yayo. afin qu'il ne séduise plus les nations, ili ashitongo zetena ba mataifa, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Kufika na pale miaka elfu itatimilika. Après cela, jisha tena ile, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Inapasha funguliwe kwa muda kidogo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kumsomi wa neno lake. L'écriture que nous venons de lire, ia andiko tunatoka mkusoma, nous montre clairement comment Satan, après la bataille d'Armageddon, inatonesha wazi namna kani shetani kisha ile vita ya Armagedoni, il sera arrêté. Batamubamba. Il sera lié. Batamufunga. Il sera jeté dans l'abîme. Nakisha batamutupa mushimo. Et la porte de l'abîme sera complètement fermée. Na ile mulango ya shimo bataifunga kabisa kabisa. Il restera dans cette prison pendant 1000 ans. Atabakia mwile kifungo kadiri ya umri ya miaka elfu. Et pendant ces 1000 ans, na mwile miaka elfu, Satan n'aura pas de travail sur la terre. Shetani hastakuwa tena na kazi pa dunia. Il n'aura pas le temps de venir séduire les gens. Hastakuwa na wakati ya kuja kutongoza watu, hapana. Et après que Satan soit jeté dans la prison, nakisha kumutupa shetani mule mukifungo, c'est à ce moment-là que la terre connaîtra la véritable paix. Njo mwile wakati dunia mzima batajua salama ya vya kweli. Il n'y aura pas de guerre. Akutakuwa tena mavita. Il n'y aura pas de troubles. Akutakuwa mivuruko. Il n'y aura pas de désordre. Akutakuwa fujo. Dans tous les domaines. Muma mambo yote. Parce que Satan qui a mené le trouble et les guerres sera enfermé dans la prison. Les gens ne seront plus péchés parce que celui qui inspirait les gens et qui les conduisait dans le péché ne sera plus. Il restera là jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est après les 1000 ans. Dieu dit il sera relâché pour peu de temps. Mungu anasema batamwacha kwa muda kidogo. Et comme il est Satan, il est diable. Sawa vile yeye ni shetani na diabolo. C'est lui qui a mené le trouble et la séduction sur la terre. Yenjwar kwa leta mvuruko na utongozi pa dunia. La prison ne l'a pas changé. Ile mukifungo haikumubadilishi. La prison ne l'a pas rendu un fils de Dieu. Ile kifungo bare mufunga haikumfanye kuwa mtoto wa Mungu. La prison ne l'a pas fait un enfant de Dieu né de nouveau. Ile kifungo haikumfanye kuwa mtoto wa Mungu mwenye uzaliwa mara ya pili hapa. Et lorsqu'il quittera la prison, wakati atatoka mule mukifungo, il va retourner dans son ancien boulot. Atarudia mukazi yake ile ya zamani. Son ancien boulot de séduire encore les gens. Kazi yake ya zamani ya kutongoza tena bantu. Il ira encore sur la terre. Atakuwa tena pa dunia. Nous allons expliquer toutes ces choses-là, là où nous allons. Les gens qui vivront sur la terre dans le millénium. Je vous ai déjà dit une fois que tous ceux qui vivront dans le millénium ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau. Il y aura des nations païennes qui appuieront Israël pendant cette période d'angoisse. Mais comme Dieu est juste en toutes choses, Dieu, comme récompense à ceux qui ont béni et qui ont assisté Israël, Ah, Dieu aussi les laissera entrer dans le millénium. Ils n'ont pas la vie éternelle. Nos bien-aimés frères, ils ne sont pas sanctifiés par le sang de Jésus. Nos bien-aimés frères et sœurs, ils ne sont pas renouvelés dans leurs pensées. Nos bien-aimés frères et sœurs, ce sont des païens inconvertis à qui Dieu a fait grâce de vivre dans les millénaires. Et comme les démons et Satan ne seront plus, les démons et Satan qui les conduisaient au péché et aussi ne commettront pas de péché. Alors, c'est ce que nous voyons ici dans l'écriture que nous venons de lire. Et quand il va commencer son sale boulot, cherchant à attaquer la nouvelle Jérusalem, c'est à ce moment-là qu'il sera arrêté pour la seconde fois. Et là, ça sera dans la guerre de Gog et Magog. Et là, il sera jugé. Et il sera condamné pour toujours. Et jeté dans le temps de feu. Maintenant, dimanche, nous avons parlé sur la délivrance d'Israël. Avant la délivrance d'Israël, nous avons montré que Israël doit premièrement passer par un temps d'oppression. Un temps de persécution. Un temps d'angoisse que la Bible appelle souvent le temps d'angoisse de Jacob, faisant allusion à la période qui précédait la véritable bénédiction de Jacob. Avant que Jacob ne rencontre Dieu face à face, avant qu'il ne lutte avec l'Éternel, avant qu'il ne soit vainqueur, et avant qu'il ne change même de nom, il est passé par une période d'angoisse terrible. Parce que là où il allait, il y avait son frère Esaü. Cet homme à qui il avait volé le droit de naissance et toute la bénédiction. Et cet homme-là qui n'avait juré que par sa mort. Et derrière lui, il y avait son beau-père qu'il fuyait. À qui il avait ravi toute la bénédiction, pas seulement la bénédiction, il lui avait revu ses deux filles. Maintenant, il s'est retrouvé entre les deux. Mais comme Dieu lui avait dit, tu dois rentrer dans le pays de la promesse. Alors, pendant qu'il est retourné, avec la peur dans son ventre, derrière lui, son beau-père, devant lui, son frère aîné, tous n'étaient pas d'accord avec lui. Il était angoissé. Il était troublé. C'est à ce moment-là, dans son trouble, il invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu de son père, Abraham, le Dieu de son père, Isaac. il invoqua les promesses que Dieu avait faites à Abraham et à Isaac son père. C'est ainsi qu'il fut délivré par le Dieu de son père. Et Israël va traverser une période semblable. C'est pourquoi ce temps d'angoisse d'Israël, la Bible l'appelle le temps d'angoisse de Jacob. C'est ce que nous avons dit dimanche. Nous avons encore dit ceci dimanche. La victoire d'Israël sur ses ennemis va se révéler dans la bataille d'Armageddon. C'est dans la bataille d'Armageddon qu'il y aura la victoire finale sur les ennemis d'Israël. Israël ne vaincra pas ses ennemis par lui-même. Il ne le fera pas par ses propres armes. Mais il aura la victoire. C'est par le secours de l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui donnera la victoire. Et ça sera dans la bataille d'Armageddon. Et nous vous avons montré dimanche que la cause principale de la guerre d'Armageddon, c'est Jérusalem. Toutes les nations de la terre veulent avoir un droit sur Jérusalem. Tout le monde combat pour Jérusalem, c'est-à-dire pour que Jérusalem les appartienne. Et pourtant, comme nous l'avons montré dimanche, toutes les nations de la terre, naturellement, ont leur ville sainte. Mais ils refusent de prendre leur ville sainte. Ils veulent encore ravir à Israël sa ville que Dieu, sa ville sainte que Dieu lui avait donnée. Et pourtant, sur toute la terre, depuis que ce monde existe, la ville de Jérusalem n'a jamais été la capitale d'une autre nation. Depuis que cette ville existe, elle est toujours la capitale d'Israël, la capitale du Dieu Tout-Puissant. Nous avons montré dimanche que ce qui provoque cela parmi les nations, cette agitation, c'est l'amour de Dieu pour Israël qui amène d'autres nations à haïr, qui amène toutes les nations à se mettre en colère contre Israël. Bien qu'Israël n'a rien fait, bien qu'Israël ne combat pas pour leur avis, leur territoire, mais il ne fait que résister à pour conserver ce que Dieu lui a donné. Parce qu'un véritable chrétien combat pour son territoire, comme nous devons combattre pour la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Nous devons combattre pour la parole de vérité. Peu importe ce que le diable peut faire dans nos vies, combattons pour la vérité. Ne combattons pas pour les histoires inutiles. Ne combattons pas pour les doctrines humaines. Mais nous devons combattre pour la parole de Dieu. Parce que toute notre vie, toute notre bénédiction dépend de notre attachement à la pureté de la parole de Dieu. Notre salut est attaché à la parole de vérité. Notre protection est attachée à la parole de vérité. Lorsque nous gardons la parole de la vérité, nous sommes en sécurité de toutes parts. Ce n'est pas nous qui serons forts, mais le Tout-Puissant sera fort avec nous. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous ferons des exploits. C'est pourquoi vous voyez, il sera dans la chair, combattre pour le Jéhovah, l'Éternel des armées. Il combat pour son territoire. Mais nous, en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous combattons pour la parole de vérité. Et Jésus-Christ est la parole de vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Jusque-là, ça va. Il n'y a rien de compliqué. C'est un bon plan. Tout avance mieux. Même s'il y a certaines ombres que vous ne comprenez pas. Nous sommes qu'au début, vous comprendrez tout. Mais suivez ces choses attentivement. C'est un chemin que nous sommes en train de vous tracer, dans lequel nous allons suivre pour atteindre notre objectif. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël sera restauré dans le millénium avec Christ comme le fils de David. Le règne de 1000 ans promis dans les Écritures commencera avec notre Seigneur Jésus-Christ lorsque il retourne des noces, là où il était allé fêter avec son épouse des nations. Après la fête, il descend avec son épouse pour commencer son règne de 1000 ans. Et dans son règne de 1000 ans, comme un prince, comme le prince de la paix, il règne comme le fils de David. Il va accomplir toutes les promesses que Dieu avait faites à David. Dieu avait dit à David, sur le trône royal, il n'y manquera pas l'un de tes fils, l'un de ta descendance. Et selon la chair, Jésus est le fils de David. Et pour accomplir cette promesse-là, na Dieu a kutimiza ele malako, parce que le véritable fils de David, mwana wa kweli wa Daudi, que Dieu avait promis à David, Mungu alimulaka Daudi, n'était pas Salomon. Asiukue Salomon. Salomon qui a avancé avec Dieu pendant un temps, Salomon ula ritembea na Mungu kwa muda, mais à cause de l'amour des femmes, ajili ya vile alipenda wanababi, et surtout les femmes étrangères, banamuke bakigeni, il abandonna la loi de Dieu, il abandonna l'Éternel son Dieu, et il finit son règne dans l'idolâtrie. Dieu ne pouvait pas donner à un homme comme ça inconverti un règne éternel. Voyez, parce que Dieu avait dit à David, ton fils qui sera établi sur le trône, il régnera éternellement. Salomon n'avait pas la vie éternelle. Il ne pouvait pas vivre éternellement. Lui-même n'a même pas vécu 1000 ans. Vous voyez bien, mes frères, dans la pensée de Dieu, c'était une prophétie qui annonçait le fils spirituel de David, celui qui devait venir, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez très bien. Jésus-Christ comme prince de la paix. Yesu Kristo sawa mfalme wa salama. Dans le millénium, il sera le roi des rois. Mu utawala wa miaka elfu atakuwa mfalme wa baraka. En tant que roi qui règne dans le millénium, sawa mfalme ola atawala mutawala wa miaka elfu. Il ne pourra pas régner sur une terre troublée. Awezi kutawala pa dunia penye kwa mvuruko. Il ne peut pas régner sur une terre de péché. Awezi kutawala pa dunia penye kwa zambi. Il ne peut pas régner sur une terre où il y a de la confusion. Awezi kutawala pa dunia penye kwa mvuruko. Comme c'est lui-même le prince de la paix. Et que le royaume lui appartient. Na mfalme ni yake. Voilà la raison d'être de la guerre d'Armageddon. Parce qu'il fallait qu'il règne sur une terre déjà nettoyée. Il fallait qu'il règne sur une terre qui est nettoyée de toutes les germes du péché. Sur une terre où il n'y a pas de démons. Pale hapana mademona. Sur une terre où il n'y a pas de conflits. Pale hapata kwa makokotano. Sur une terre où il n'y a pas de la méchanceté. Pale hapana ukaidi. C'est ainsi que vous voyez la guerre de l'Armageddon précéder le millénium. Ya Armageddon inatangulia utawala miaka. C'est pour brûler les germes du péché. Machipuko yote ya zambi. Enlever Satan et les démons. Sur toute la terre, afin que la terre soit favorable de recevoir le prince de la paix. C'est vrai. L'église est avec moi. J'ai dit, c'est vrai. Tu n'entends plus? Non, ça va. Ça va, ça va. Okay. Je disais ceci. Je vais très bien. Millennium, hein? Dans le millénium, utawala wa miaka elfu ni utawala, c'est dans un règne mnyewe, de Dieu lui-même, mwili ya bumuntu, dans un corps humain, pamoja na bibi yake harusi, ensemble avec son épouse, avant que akuye atawale ulimwengu, avant qu'il ne vienne dominer sur la terre, atawale régner, qui vienne régner sur régner la terre, régner et dominer les deux, c'est tout à fait correct. Avant qu'il ne vienne régner, comme un prince de la paix, sawa mfalme wa salama, jopale munaona avant que ye akuye, c'est pourquoi vous voyez avant qu'il ne vienne, bananza mbele kusafisha dunia, on commence d'abord à purifier la terre. Église avec moi, kanisa mnafuata, banabe mbele kifuakio, on prend d'abord les balais, bafuakie mbele mamvumbi Kombale la poussière. Bafua kie buchafu. Kombale la saleté. Bafua kie mavi. Kombale les saletés. Bafua kie fujo yote ya mudi ya ulimwengu. Tout le monde soit d'abord. Na bale konele tanzambi na fujo dunia ni banani. Ceux qui amènent les péchés, les troubles qui sont dits. Ceux qui amènent les troubles, les péchés. Fou na magonjwa. Et la mort et les maladies. Et toutes les choses désagréables sur la terre. La haine. Les mépris, les calomnies, tout ce qui est désagréable, d'où est-ce que ça vient? C'est Satan et les démons qui vivent dans ce monde. Ce sont ceux-là qui poussent tous les habitants de la terre afin de vivre dans les troubles. Et maintenant, Dieu dit, avant que mon pied vienne régner sur la terre, je ne peux pas régner sur la terre du péché. Vous voyez, comme j'ai racheté l'homme du péché, ville et mire, comme ces gens avec qui je viens vivre, ce sont des gens qui sont rachetés du péché. Le péché n'est plus en eux. Ils ont déjà fait la guerre avec le péché et les démons. Par mon sang, ils ont vaincu. Maintenant, je viens les amener sur une terre du péché. Pour que le péché commence à les troubler. Non, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi je commence d'abord par balayer, par sanctifier la terre. Il va sanctifier et l'atmosphère. Là où les démons habitent et la terre. Là où les démons habitent, le ciel et la terre jusqu'à aujourd'hui essuyé par Satan et les démons. C'est pourquoi lui commence d'abord par balayer. Donc, il précède par il commence d'abord par purifier, nettoyer le monde, la terre et même l'atmosphère du monde, afin que lui-même et ses élus, ses saints, son épouse, qu'ils viennent vivre sur la terre, là où il n'y a pas de péché, là où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de querelle, de tiraillement. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Il faut pas qu'on ait le tableau. L'ancien m'a exigé d'amener les tableaux. Avant que tu n'aies mon enseignement, avant qu'on commence l'enseignement proprement dit, que les tableaux viennent afin qu'on commence à écrire certaines choses. Parce que il est vrai que quand on n'aidera pas que ce mot français, si nous continuons à parler seulement français, nos sœurs ici, beaucoup de choses vont les dépasser. Des fois, les interprètes aussi interprètent mal. C'est pourquoi je serai obligé. Donc, je suis ennuyé. Il y a des qui nous suivent. Accumuler les deux. Tanza kubichanga biote biwili. Que Dieu vous bénisse. Donc, Christ, Manaki Christo, comme fils de David, sawa mwana wa Daudi, comme le prince de la paix, sawa vile mfalme wa salama, ne peut jamais venir aweze kama kuja, habiter sur une terre souillée. Kuka pa dunia ya buchafu. Non, bien aimé frère. Apana ndugu mpendwa. Parce que quand il versa son sang, du wakati la rimwanga kadamu yake, en rachetant l'homme, mukomboa mutu, il a aussi racheté la terre. Arikomboa tena na dunia. La terre qui est le domaine de l'homme. Dunia yenye kuwa mali ya mutu. La terre que Dieu avait donnée à Adam, dunia le Mungu alimpatia Adam, était une terre purifiée. Ilikuwa yenye kusafishwa. Une terre sanctifiée. Yenye kutakaswa. Il n'y avait pas de péché. Hapakuwe zambi. C'est Satan qui a amené le péché sur la terre. Shetani ndio aletaka zambi pa dunia. C'est ainsi qu'après avoir racheté ses élus, bateule yaki, il commence par purifier la terre. Anaanzia kuanza kutakasa dunia hii. C'est vrai. Ni kweli. Les Juifs, Bayuda, ont attendu Barichunga le rétablissement du royaume d'Israël kurudishwa kwa ufalme ya Israeli. Même à la première venue de Jésus. Hata mwakati ya kuja kwa kwanza kwa Yesu. Comme il ne comprenait pas encore les prophéties bibliques. Sawa vile hawakuelewe ma tabiri ya Biblia, ba unabii ya Biblia. Il ne comprenait pas encore les prophéties annoncées par leurs propres prophètes juifs. Barikuwa baya elewa ma tabiri wala ma unabii le ba nabii ba Yuda wa tabiri. À cette époque-là, il était sous la domination des Romains. Sawa vile mwile wakati walitawaliwa na wa Roma. Et la présence de Jésus pour eux, c'était venir les délivrer du joug des Romains. Voilà pourquoi, quand Jésus s'apprête à venir, à partir, regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Acte des Apôtres, chapitre 1. L'Église est avec moi. Les Juifs, Bayuda, à la première venue de Jésus-Christ, ceux qui avaient cru en lui, croyaient qu'il était venu pour établir le royaume d'Israël. Bariwazia sema alikuyaka juu ya kurudisha ufalme wa Israeli. Même les apôtres avaient cette préoccupation. Na ba mitume walikuwa na hii hangaiko. C'est pourquoi dans Actes au chapitre 1. Jokombana matendo ya mitume sura ya kwanza. Dans son verset 6 et 7. Mstari ya 6 na ya 7. Les disciples lui posaient cette question. Wanafunzi walimuuliza iulizo. Alors les apôtres réunis lui demandaient. Bamitume kisha kusanika wakamuuliza. Seigneur, Bwana, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eti ni mui wakati njo tarudisha ufalme wa Israeli? Il répondit. Akabajibu. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Hii aina yenu mweye kujua wakati na muda ile baba aliweka. Mais vous recevrez une puissance. Lakini mwe mtapokea uwezo. Roho Mtakatifu atakuwa juu yenu. Mtakuwa washuhuda wangu mu Yerusalemu. Vous voyez? Munaona? Donc la pensée wazo du rétablissement du royaume d'Israël ya kurudisha kwa ufalme wa Israeli était une grande préoccupation. Ilikuwa ni hangaiko mkubwa. Même pour les apôtres. Hata kwa mitume. Regardez dans Luc au chapitre 1. Tazameni Luka sura ya kwanza. Luc au chapitre 1. Luka sura yake ya kwanza. Dans son verset 65. Mustari yake makumi sita na tano. Au verset 67. Kufika na mustari makumi sita na saba. La crainte. Luc chapitre 1. Luka sura ya kwanza. Chapitre 65, chapitre 1, verset 65. Musara makumi sita antano. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Na boka bukashika bakaji bote ba pembeni. Et dans toutes les montagnes de la Judée. Na mumilima yote ya Judea. On s'entretenait de toutes ces choses. Barikuwa na semezea kuhusu maneno haya. Tous ceux qui les apprirent. Bale bote barpata yabari. Les gardaient dans leur cœur en disant. Barkwa na ichunga mioyo yabo na kusema. Que sera donc cet enfant? Uyu mutoto basi atakuwa je? Et la main du Seigneur était avec lui? Na mukono wa Bwana ilikuwa pamoja naye. Vous voyez? Munaona? Jérémie et Zacharie son père. Zacharie baba yake. Fut rempli du Saint-Esprit. Akajaziwa Roho Mtakatifu. Et il prophétisa en ce mot. Na akatabiri misemo hiyo. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Abarikiwe Bwana na Mungu wa Israeli. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Ya vile alitembelea na kukomboa taifa yake. Et nous a suscité un puissant sauveur. Nana tulamshia mkombozi wa uwezo. Dans la maison de David son serviteur. Munyumba ya Daudi mtumishi wake. Dans la pensée, il croyait que Cet enfant qui est venu, c'est le Messie qui devait le délivrer de la main de Romains. Ah, Mariwasi asema, Jomasiya ula nakoko ba komboa, toka mikono ya Warumi. Et pourtant, Jésus ne pouvait pas faire cela. Japo, Yesu akuwezi kufanya vile. Dans le plan de Dieu, Mumapu ya Mungu, Jésus ne pouvait pas déjà, dans sa première venue, établir le royaume d'Israël. Yesu akuwezi kufanya mkuja tu kwake kwa kwanza na kurudisha ufalme wa Israeli hapana. Sa première mission en venant, kazi yake ya kwanza mkuja, c'était d'abord de racheter l'homme. Ilikuwa kwanza ni ya kumkomboa mtu. Et racheter, na kukomboa. Tout ce que l'homme avait perdu. Bile biote mtu alipoteza. Et ils n'ont pas compris cela. Bo abakuielewa hapana. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Il fallait d'abord, ilipasha qu'il rachète l'homme et qu'il rachète la terre na kombowe na dunia, et tout ce qu'il avait créé na vile biota liumbaka, et qu'il vienne débarrasser na apate kuja kuondosha de la terre de tout péché et de tout sur na buchafu bote wa dunia, pour que le royaume d'Israël jia ufalme sasa soit Israeli, rétabli ipate kurudishwa mzuri. Le royaume d'Israël, ufalme wa Israeli, ne sera pas rétabli après l'enlèvement de l'épouse pendant les 3 ans et demi ou pendant les 7 ans. Wala mumiaka saba, apana, non bien mes frères, apana ndugu mpendwa, le royaume d'Israël, ufalme wa Israeli, sera rétabli batairudisha dans le millénium. Mule mutawala wa miaka elfu. Vous voyez. Unaona. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura dans ce millénium? Sasa, ni nini ile tafaniwa mule mutawala wa miaka elfu. Regardez la vie du millénium. Tangalie, ngalie ni maisha ya mule utawala wa miaka elfu. Dans Daniel. Mu Danieli. Au chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Daniel chapitre 2. Danieli sura ya pili. Les princes de la paix ne pouvaient pas venir habiter, régner sur une terre troublée. Mufalme wa salama ashikupashiku ya kutawala. Il règne. Satan est là. Les démons sont là. Atawale. En train de l'embrouiller. Non. Pale peko shetani na mademona yako na mzuru hapana. Daniel chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Commençons au verset 44 jusqu'au verset 45. Ici, on montre le temps ou le moment dans lequel il viendra régner. Dans le temps de ce roi, avant que Christ vienne régner, mbele ya Kristo kuja kutawala comme fils de David dans le millénium. Sawa, mwana wa Daudi mutawala wa miaka elfu. Dans le temps de ce roi, mwakati ya wafalme, le Dieu des cieux, Mungu wa mambingu, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Atala mushaka ufalme ile abatawezi kuharibu. Ce roi ici, nous allons le voir. Aba wafalme tutabaona. Ce sont les rois qui s'élèveront après l'enlèvement de l'épouse, après le premier 3 ans et demi, ils vont se révéler après le brisement de l'alliance que l'Antichrist aura fait avec plusieurs. Dans la deuxième moitié, de la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Juma ya kwanza ya mumajuma makumi saba ya Daniel. Ni mwile wakati siyase momala aba bafalme tutebaona kese roa kenu vero batala mukaka ise sele vero na aba bafalme aba tukonasema ese roa donu parlon jobale Christ atakuwa kuaneanti. Ce roi que Christ viendra anéantir. Et parmi ce roi ici, katikati hapa bafalme, il y a la Russie qui est là. Kuko na Russie eko pale. Nous en parlerons. Tuta isemezea baadaye. Le Dieu des cieux, Mungu wa mbingu, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Atalamushaka ufalme ile avataribuaka kamwe. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple, il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'argile et les reins. Bulongo na shaba. Non, qui a brisé le fer, il rifunja, le rein, chuma, l'argile, shaba, l'argent, na bulongo na fer, na zahabu. Le grand Dieu, Mungu mkubwa, a fait connaître au roi alionesha mfalme ce qui doit arriver après elle. Il est afika kisha hilo. Le songe est véritable. Il est ndoto ni ya kweli. Et son explication est certaine. Na mafasilio yake ni ya hakika. Cette pierre ici, comme nous la verrons, hii jiwe vile tutaiona baadaye, c'est Christ qui viendra, ni Christ ulatakuja, anéantir tout ce royaume, kuteketeza ima ufalme yote, avant son règne, mbele ya utawala wake, pour établir kuweka un royaume, ufalme moja, ou son royaume, wala ufalme yake, qui ne sera jamais détruit. Il a été haribiwa kamwe. De un royaume, ufalme mbili, qui va rester éternellement, qui va exister éternellement. Manake ni ufalme ile tadumu milele. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpeni. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpeni. Et pour demeurer éternellement, na juu ya kudumu milele, ou pour être un roi éternel, juu ya kuwa mfalme wa milele, il faut avoir la vie éternelle. Inapaswa kwanza uwe na buzima ya milele. C'est pourquoi il n'y a aucun roi. Ndio kwa maana hakuna mfalme hata mmoja. Cette terre ici, pa hii dunia hii, qui peut régner éternellement. Ula anawezi kutawala milele hapo. Ule roi, mafalme bote. Regne momentanément. Beko natawala ni kwa muda. Et il meurt. Na banakufa. Il laisse son pouvoir à quelqu'un d'autre. Banaacha utawala yabo na watu wengine. Et même si nos politiciens, hata kama bafanya siasa beti, et nos rois de la terre, na bafalme yetu hapa dunia, pouvaient comprendre cela, kama bangeelewa hiyo, ils agiraient correctement, bangetenda mzuri, ils agiraient correctement, bari pashi kutenda mzuri, envers le peuple, mbele ya watu, sur qui il règne momentanément, yulu yabo beko natawala kwa muda. Mais les rois de la terre, lakini bafalme yapa dunia, quand ils entrent dans les trônes, wakati wanaingia mkiti ya bafalme, Satan vient habiter leur cœur. Il leur donne des fausses pensées. Il donne des faux espoirs. Il leur trompe et leur dit que vous régnerez éternellement. Vous allez demeurer longtemps. Et au lieu d'être gentil avec les juifs, ils agissent maintenant dans la méchanceté. Et ils finissent par tout perdre. Mais lorsque le royaume d'Israël sera rétabli par Christ, Christ va régner, c'est par amour. Vous voyez, il va dominer les siens par amour. Voyez, il ne peut pas régner par méchanceté. Non bien-aimés frères, non bien-aimés sœurs, il va régner tout en consolant sainteté. Pardon? Il va consoler, il règne tout en consolant ses rachetés. Voyez, une fois qu'il les amène à oublier la souffrance qu'ils ont endurée sur la terre, il faut qu'ils oublient le mal qu'ils avaient vécu sur la terre. Christ est un roi, Christ est un roi saint, mutakatifu, un roi pur, un roi doux. Un roi plein d'affection. Parce que lui-même est amour. C'est pourquoi il n'y a pas de désordre dans son royaume. Il régnera de manière à bander les plaies de ses rachetés. Pour qu'il ne se souvienne plus de ses quarts d'heure. De ce quart d'heure, il est Ali. Il est, non, quart d'heure, le moment. Ah, qui ne se souvienne plus. Bah, si le moment malheureux. Yaole. Voyez qu'ils avaient vécu sur la terre. Il est riche, Badonia. Le millénium. Vient nous consoler. Il a kunja kuto farije. Ouais, bien mes frères. On a un endroit compéen. Et na. Celui qui vit. Où le connaissez. Éternellement. Milele. Il aura un royaume. Atakwa na ufalme. De la paix, ya salama, dans laquelle la paix règne, mule salama yuko natawala, lui-même est roi, ye mwenyewe mfalme, lui-même est dominateur, ye mwenyewe ndio wa kutawala, c'est lui qui domine avec roi, ye, avec amour, ndio atatawala na mapenzi, mais nous l'épouse, sisi bibi harusi, il nous fera la faveur, atatufanyia, de régner ensemble. Avec lui. Nema ya kutawala pamoja naye. Parce que nous sommes une partie de lui. Tutuku sehemu yake. Nous allons régner avec lui. Tutatawala pamoja naye. L'église est avec moi. Kanisa mnafuata. C'est par amour. Que Dieu a partagé. Son règne avec nous l'épouse. Atagawanya ufalme wake pamoja na sisi. Chaque roi terrestre. Partage sa gloire. Son règne. Ufalme wake na utawala wake. Avec sa reine. Na malkia wake. C'est ce que nous serons de l'autre côté. Quelle consolation qui nous attend. Dans le royaume qui viendra de notre époux. Le fils de David. Voyez, pour nous, il sera fils, il sera époux. Mais pour les Juifs, il sera fils de David. Voyez, c'est vrai, frère. Regardez dans Daniel au chapitre 7. C'est pourquoi vous voyez, avant qu'il ne vienne, il doit d'abord nettoyer la terre sur laquelle il va régner avec que ses élus, avec son épouse, avec les 144 000, même avec ses païens qui ont aimé Israël, Israeli. Comme Dieu l'a aimé Israël, et aussi ont aimé Israël, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, Dieu va leur faire goûter le bonheur de croire et de servir dans le Seigneur. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. Daniel chapitre 7. Danieli sura yake ya 7. Le temps file. Hein? Wakati naenda. Prenons d'abord Esaïe. Tuchugue kwanza Isaya. Écrivez d'abord Daniel 7, nous allons y revenir. Mwandike kwanza Danieli 7 tutarudiria hapo. On lit carrément comme c'est nous sommes ici à Daniel. Daniel chapitre 7. Danieli sura 7. Commençons le verset 13. Tuanzie mstari wa 13. Jusqu'à 14, verset 17, à 18, le verset 25, à 27. Nous lisons ceci. Verset 14, verset 13. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux. Mambingu. Arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Kukakuja mtu mmoja mwenye kufanana na mwana wa mtu. Il s'avança vers l'ancien des jours. Akamkaribia huyu mzee wa masiku. Et on le fit approcher de lui. Na wakamkaribisha naye. On lui donna la domination. Bakampatia utawalo. La gloire utukufu, et le règne na utawalu, et tous les peuples na watu wote, les nations mataifa, et les hommes de toutes langues na batu ya kila, les servir. Kumutumikia. Vous voyez, unaona, tous les hommes de toutes langues batu bote ba maluga yote, les servir. Bakamutumikia. Sa domination utawalo waki, est une domination éternel. Ni utawalo wake wa milele. Qui ne passera point. Il a itapita kamwe. Et son règne utawalo wake ne sera jamais détruit. Aitaribishwa kamwe. Verset 17, pour aller un peu plus vite. Kuminasaba, kuenda haraka. Ces quatre grands animaux, awa wanyama wakubwa wa ine, ce sont des rois ni wafalme, qui s'élèveront de la terre. Vale watalamuka pa dunia. Nous verrons cela. Tutaiona. Mais alakini, les saints du Très-Haut, les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les Juifs, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Milele na milele. Vous voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Regardez le verset 25. Verset 25. Allons jusqu'au verset. Ok. Prenons le verset 26. Puis viendra le jugement. Kisha ukumu itakuja. Et c'est le jugement des nations. Ni ukumu ya mataifa. Le jugement dont on parle ici, c'est le jugement des nations et non le dernier jugement. C'est le jugement qui précède l'entrée au millénium. Puis viendra le jugement. Cela signifie quoi? Après la guerre d'Armageddon, il y aura un temps de jugement des nations et on lui ôtera, on ôtera à Satan. On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Vous voyez, on n'a pas la milele. Parce que ici, nous ne sommes pas dans l'éternité pour toujours. Voyez. Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Tous les rois qui seront pour Israël et qui vivront dans le millénium et tous les dominateurs qui seront du côté d'Israël et qui vivront dans le millénium, quand le prince de la paix viendra, le fils de David, ils se soumettront au roi des rois, au fils de David. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Donc après la guerre d'Armageddon, Satan est lié. Il est mis en prison. La terre est entièrement purifiée. Maintenant, quand le fils de David vient régner, il vient régner sur les gens qui ont des pensées pures. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Les 144 000 juifs ont l'occasion maintenant de vivre avec le fils de David, le roi. Maintenant, le royaume est rétabli. Vous voyez, le royaume d'Israël est rétabli avec Christ de David. Jusqu'aujourd'hui, avant que Christ vienne régner, en Israël, il n'y aura pas de roi. Israël, ils ont des premiers ministres comme ils l'ont. Ils ont un président comme ils l'ont qui règne. Ils ont une constitution qui est presque semblable à la constitution des nations. Ils ont imité des constitutions des nations là où ils étaient dispersés. Mais dans le millénium, il y aura maintenant la loi de l'éternel. Il y aura la constitution constitution de Dieu lui-même. Ils seront gérés par la parole de Dieu. Wataongoziwa na neno la Mungu. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Et là, na pale, ils ne connaîtront plus de guerre. Ils ne connaîtront plus d'attaque. Ils vont régner sur leur terre. Comme Dieu leur avait promis cela. Ils seront en paix avec leur roi. Ils serviront leur roi. Ils serviront leur reine. Pendant ce temps de règne. Oui, bien mes frères. En Esaïe 11. Isaïa sura 11. Esaïe 11. Isaïa sura 11. C'est pendant ce temps de règne. Ni mwile wakati ya utawala. 2000 ans. Ya mwaka elfu. Que toute la terre. Jomule dunia mzima. Sera remplie de la connaissance de Dieu. Itajaziwa na ufahamu wa kumjua Mungu. Pendant les 3 ans et demi, après l'enlèvement de l'épouse, la terre ne sera pas remplie de la connaissance de Dieu. Parce que pendant cette période-là, Satan sera toujours à la manette. Mais, quand le fils de David viendra dans le millénium, il va tout régler. Et regardez la vie du millénium. Esaïe 11. Isaïa sura 11. Dans son verset 1 jusqu'à 10. Musari ya kwanza kufika 10. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Kisha chipuko moye tatokea kukiti enzi ya Isaïa. Et un rejeton naîtra de ses racines. Na chipuko tatoka kumizizi yake. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Na roho ya Yehova itakuwa yulu yake. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Roya ekima na akili. L'esprit de conseil et de force. Roya shauri na yanguvu. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Roya ufamu na ya kuogopa Yehova. Regardez les caractéristiques. Tazameni matabia. Qui y a en Christ. Yenye kuwa ndani ya Kristo. Qui reposera sur lui. Il itakuwa yulu yake. Pour régner sur son peuple. Juu ya kutawala yulu ya taifa yake. Il respirera la crainte de l'Éternel. Na atapumua oga wa Yehova. Il ne jugera point sur les apparences. Asta hukumu kufuatana na kuangalia mtu. Il ne prononcera point sur un oui dire. Asta kata mambo kufuatana na ile alisikia. Mais il jugera les pauvres avec équité. Lakini atahukumu wenye ba masikini na uwaki. Et il prononcera avec droiture. Na atakata mambo na uwaki. Un jugement sur le malheureux de la terre. Na hukumu yule ya wanyonge hapa dunia. Il frappera la terre de sa parole atapika comme une verge. Dunia na neno lake sawa fimbo. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Na toka pumzi ya midomo yake ataua wabaya. La justice sera la ceinture de ses flancs. Na uwaki itakuwa mkaba ya. Et la fidélité la droiture de ses reins. Na uaminifu itakuwa nyofa kiuno. Là, dans le millénium. Mule mutawala meke. Le loup habitera avec l'agneau. Na mbwa mwitu ataketi pamoja na mwana kondoo. Hakutakuwa tena banyama ba makali ba kuriana. Il n'y aura plus des animaux féroces. Banyama ba makali ba kona kuriana. Des animaux féroces de bois. C'est Satan. Qui conduit à ce que les féroces, les animaux féroces puissent dévorer. Ce sont des démons. Ni ma démon. Vous voyez. On a honte. Mais les démons ne seront plus. Ma démon a été à côté. Pendant ce temps-là. Il est wakati. La terre va retourner comme au commencement. Dunia tarudia de la création. Wa maumbile. Au commencement de la création. Mwanzo wa maumbile. Les loups habitaient ensemble avec l'agneau. Il n'y avait pas un problème. Pamoja na mwana kondoo. Et dans le millénium. Tous ceux qui vivront dans les millénaires ne vivront pas en conflit. Les conflits viennent du diable. Le malentendu entre les gens vient du diable. Quand l'esprit de Dieu habite les cœurs, les malentendus disparaissent, les conflits disparaissent, les guerres disparaissent. La haine disparaît. Chuki tapoteya. Quand les gens ont l'esprit de Dieu, l'opposition disparaît. La présence de l'opposition sur la terre, c'est l'œuvre de Satan. C'est vrai, frère. Quand vous voyez dans votre maison, l'homme et la femme commencent à s'opposer, c'est Satan qui est entré. Bananzo kokotana ni Shetani. Quand vous remarquez dans l'église, je n'ai mukanisa, les gens commencent à s'opposer. Quand Bananzo kokotana, c'est Satan qui est à l'œuvre. Ni Shetani est comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Oulana Mungu. Dieu apana. Unit les gens. Mungu kona unganisha watu. Il pacifie les cœurs. Analeta salama mioyo. Analeta salama. Il amène la joie. Analeta furaha. Il amène l'unité. Analeta umoja. Les gens sont fidèles les uns les autres. Quand banapendana bamoja kwa mingine. Mais quand vous voyez les choses désagréables, c'est l'œuvre des démons. C'est pourquoi les démons et Satan ne peuvent pas vivre dans le millénium. Ils ne piétineront pas dans le millénium. Pour qu'on vive en paix. Et les oiseaux, les animaux, tout le monde doit vivre en paix. Le loup habitera avec l'agneau. Et le panthère se couchera avec le chevreau. Les veaux, les lionceaux et le bétail, bon en Grèce. Ban simba, bale veko na kombanisha leo. Les veaux, bana ngombe. Mwana ngombe. Et les lionceaux. Na batoto en simba. Et le bétail qu'on en Grèce. Na bifuko bile veko na kombanisha. Beko na nenepesha kwa mafuta. Ah, beko na nenepesha kwa mafuta. Bana kwa banono sana. Seront ensemble. Batekala pamoja. Et un petit enfant le conduira. Vous voyez, la vache et l'ours auront le même pâturage. Dugu na punda batakula bote chakula moja. Leur petit et même gîte. Na batote yabo bote batekala fazi moja. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Ban simba na bangombe batakula paka majani. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Mtoto atekala tapa pembeni ya nyoka. Ya nyoka wa sumu. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Na mtoto la natoka kwa maziwa ataweka mkono yake mule mku nyoka wa sumu. Et il ne lui fera ni tort ni dommage. Asta mukosea takidogo. Sur toute ma montagne sainte. Pamulima yangu yote takatifu. Kwani la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Dunia yote tayala na ufamu wa kumjua Yehova. Comme le fond de la mer. Ah, vile mupano wa maji. Par les eaux qui le couvrent. Na maji ile naifunika. En ce jour, mouille siku, le rejeton d'Isaïe, chipuko ya Isaïa, sera là comme une bannière pour le peuple. Itakuwa pale sawa bendera. Les nations mba mataifa se tourneront vers lui, batamgeukia, et la gloire sera sa demeure. Na utukufu itakuwa makao yake. Vous voyez la vie dans le millénium. Munaona maisha ya mulemu utawala wa miaka elfu. Là, il n'y aura pas de division. Amutakuwa kukabulana. Il n'y aura pas de guerre. Amutakuwa mavita. Les bêtes ne peuvent pas s'entrevorer. Banyama bezi kulana. Il n'y aura pas ces politiciens qui sont habités par des démons. Amutakuwa wabafanya siasa benye kwa na mademona. Tout le monde sera sous la domination. Bantu bote batatawaliwa. De Christ. Na Kristo. Le prince de la paix. Mfalme wa salama. Le fils de David. Mwana wa Daudi. Vous voyez, munaona, ici, apa, vous remarquez qu'il y aura des enfants qui seront nés. Mutaona sa mkutakwa batoto batazaliwa. Il y aura des enfants qui sont nés. Mutakwa batoto batazaliwa. Et ces enfants-là abale batoto bali, ne mourront pas abatakufa tena, avant d'atteindre les 1000 ans. Mbele ya kuonesha miaka elfu. Voyez bien mes frères. Munaona ntuku mpeni. Voyez bien sœurs. Munaona dada mpeni. Parce qu'il y aura une vie normale. Tukutakwa maisha kawaida. Mutakwa kurima. Il y aura faire la leshan. Mutakwa kuzala. Il y aura engendrer. Voyez bien mes frères. Munaona ntuku mpeni. Nous aussi nous aurons des enfants. Non, nous on n'aura pas d'enfants. Nous on n'aura pas d'enfants. Mais sur la terre. Pas d'unis à peau. Parce que j'y ai tout le cas là. Parce que nous habiterons dans le Jérusalem. Pas d'unis à. Pas ma taïfa balé batakwa pas d'unis à. Batakwa na batakwa. C'est eux qui vont cultiver la terre. Bon Dieu batalima pas d'unis à. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons continuer demain. Tout a indélé à Kesh. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Mule mu millennium. Mutawala miaka elfu. Wakati Yesu atarenyia. Lorsque Jésus-Christ va régner. Atatawala. Il régnera. Sawa mtoto wa Daudi. Comme un fils de David. Sawa mfalme. Comme un roi, un prince. Na mtoto wa salama. Un prince de paix. Bintu vyote vitakuya msalama. Toute chose sera en paix. Juu ya nini bintu vyote vitakuwa msalama? Toute chose sera en paix. En ordre, c'est parce que Satan et les démons ne seront plus là. Ils seront en prison. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. qui va couvrir Dieu t'a fourni qu'à dunia même les gens inconvertis même ceux qui ne sont pas connus de nouveau, ils auront de bonnes pensées, ils seront des gens justes. Vous voyez, des gens de bon, de bien, il n'y aura pas de gens qui vont outrager, c'est qu'à fouiller des choses. Oh, les champs m'appartiennent, non. Cette maison m'appartient. Peut-être nous allons lire cela demain. Si vous construisez une maison, personne ne va te les ravir. Si tu as un champ, dans ton champ, toi-même, tu mangeras les fruits de ton champ. En cette période, il n'y aura pas de diabète, de maladie. Il n'y aura pas de l'hypertension. Ma diabète, ma tension, de maladie. Ce sont les démons qui nous infligent tout cela. Il n'y aura pas de mort. Parce que les péchés n'auront plus sa place. Ah, les démons qui devaient nous pousser à faire les péchés n'existeront plus. Aujourd'hui, tu peux avoir des maïs. Et par après, on t'interdit de manger les maïs. Tu élèves la chèvre. On te dit, toi, il ne faut pas manger la viande des chèvres. Tu manges autre chose. Je commande à Salomon à quoi. Si Dieu bénit quelqu'un, il lui donne la chance de manger les fruits de sa bénédiction. Ça, c'est un don de Dieu. Dieu peut te donner beaucoup de richesses, beaucoup de nourriture, mais tu n'as pas d'appétit de les manger. Tu touches à ceci, non, il y a beaucoup de sucre, il ne faut pas manger. On te donne la sauce, non, pas des choses avec sauce. Les arachides, non, il ne faut pas, il y a beaucoup de graisse. Il faut dormir sur le plancher. C'est ça les contrats de terre. De la... C'est pourquoi parce sera... que l'homme qui est né de la femme est né pour souffrir. Mais là, il est pour vivre éternellement. Il est pour le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. C'est pourquoi il faut apprécier. Je commande, il n'a pas kufuraikia. Il faut kupenda sana. Il faut tellement apprécier. Kwenda mwile muji. Vouloir aller dans ces pays. Si et tu kuna fuya twende mu Yerusalemu mpya. Nous voulons aller dans Jérusalem nouvelle. Voyez bien mes frères. On en a tout kupenda. Banze kututumikia. Qu'on commence à nous servir. Banze kurenye ensemble. Qu'on règne ensemble. Avec le prince de la paix. Pamoja na mfalme wa salama. Avec les filles de David. Na mwana wa Daudi. Prions. Seigneur, merci. Pour ces paroles de grâce.